Chapitre 7e. Tandis qu'à Londres, Rhett et Piel habitent deux îles, à Marston, on s'occupait activement des préparatifs du prochain mariage. Madame l'agent, surtout, ne prenait aucun repos, et du matin au soir, ne parlait que de robes, chapeaux ou mantelets. C'était elle qui s'était chargée de confectionner le trousseau de la mariée. Cecily, à l'approche du grand jour, était émue. Son amour pour le pasteur était médiocre. Elle croyait à la sainteté de son futur et elle se dévouait à lui pour cette seule raison. Elle devenait la femme d'un ministre et elle avouait à sa confidente, Madame l'agent, qu'elle réalisait ainsi le rêve de sa vie. La gouvernante avait de temps en temps quelques mots de pitié pour Arthur Rhett, le compagnon d'enfance que Cecily avait assez cruellement abandonné. Mais la riche héritière de Marston n'avait jamais aimé ce brave garçon que comme un frère, et puis aujourd'hui, elle ne l'estimait plus, elle le plaignait comme une pauvre créature égarée hors de la voie du salut. L'absence de son fiancé ne tourmentait pas Cecily. Des affaires à régler avant le mariage, cela était naturel, quoiqu'en y réfléchissant, on eût pu trouver assez bizarre que le révérend, arrivé à Marston sans un centime, eut à Londres des affaires, ce qui en thèse générale signifie des intérêts d'argent. Cecily acceptait tout ce que lui disait son fiancé. Aucun soupçon jaloux n'effleurait son âme. Elle ne doutait pas, par la simple raison qu'elle n'aimait pas. L'amour qui ne doute pas n'est pas dans la nature humaine. Le retour de deux îles eut lieu 3 jours après cette nuit, pendant laquelle les deux ribauds s'étaient rencontrés. Pâles, défaits, brisés, le révérend se plaignit beaucoup des fatigues du voyage à la veuve qui sortit de son lit pour le recevoir lorsqu'il arriva vers minuit. Il était changé à ne pas le reconnaître, il le savait bien. C'était la suite d'une maladie de cœur peu dangereuse, au dire des médecins, s'il s'abstenait de tout exercice violent. Du repos, il serait promptement rétabli. Le lendemain, Cecily fut très frappée, alarmée même de l'état de son futur, quand il lui rendit visite. « Qu'avez-vous donc pu faire à Londres, mon ami ? » s'écria-t-elle. « Ah, sans doute, votre charité vous a conduit dans des endroits où règne la fièvre des misérables. » Le révérend affirma que la lassitude était seule cause de sa mauvaise mine. Cependant, il osait à peine regarder Cecily, dont les yeux fixés obstinément sur lui le gênaient. S'impatientant de l'interrogatoire qu'on lui faisait subir, il reprocha à Cecily une curiosité qui ajoutait à ses souffrances, alors qu'il était déjà rompu de corps et d'esprit. La jeune femme fut très sérieusement effrayée d'un ton auquel elle n'était pas habituée. « Pardonnez-moi, chère âme, dit le pasteur, et ne doutez pas de mon cœur, car vous ne pouvez connaître l'étendue de mon affection, et vous n'imaginez pas ce dont je suis capable pour conserver à jamais votre tendresse. » Il y avait alors de l'amour vrai dans l'accent du ministre, qui néanmoins retomba bientôt dans un mutisme sombre, et ses manières étranges excitaient l'indignation de la bonne Madame l'agent. Ce n'était pas la disposition d'esprit d'un homme à la veille d'être le mari d'une si belle et si douce créature que Cecily. À la fin de la soirée, deux îles avant de se retirer, profitant de ses privilèges de fiancée, posa ses lèvres sur le front de Cecily, qui tressaillant en contact de cette bouche brûlante, manifesta de nouveau ses inquiétudes. « Rassurez-vous, ma bien-aimée, murmura deux îles, je serai mieux demain. » Et s'animant, tandis que Madame l'agent s'était éloignée par discrétion, « Après-demain, vous m'appartiendrez pour toujours. Comprenez-vous que je compte les heures qui me séparent encore de ce heureux moment ? Comprenez-vous que par instant je crains que la terre ne s'entrouvre sous mes pieds et qu'une main terrible ne se lève pour m'enlever celle que j'adore ?» En sortant de chez Mademoiselle Banner, Desil pressa le pas. La bise glacée de février le faisait frissonner et il allait atteindre le pauvre logis de la veuve lorsqu'une main vigoureuse s'abattit sur son épaule. Son persécuteur, Philip Mortimer, était devant lui. « Toi ? » s'écria le pasteur avec épouvante. « Ma présence te dérange, j'en suis convaincu, » reprit l'escroc. « Puisque tu ne m'invites pas à ta noce, je m'invite moi-même, et j'aurai l'insigne honneur de t'accompagner à la chapelle et d'offrir mes compliments à la mariée. » Et familièrement, le bandit cherchait à passer son bras sous celui de son beau-frère. Desil le repoussa. « Écoute, » dit-il d'une voix sourde, « je suis là. D'être exploité par toi, je me révolte à la fin et je ne te connais plus. Si tu ne me connais plus, tu connais au moins ta femme, et si je prononçais son nom, il serait possible que Mademoiselle Banner te donnât la clé des champs, à moins que tu ne songes à nier ton premier mariage, ce qui n'est point facile, nous avons l'acte officiel. La mort rompt tous les liens. D'où viens-tu que tu ne connais pas le sort de ta sœur ? J'arrive des courses de Liverpool et c'est à la taverne que j'ai appris tes projets matrimoniaux, lesquels ne me contrarient point, vu mon indulgence pour les faiblesses humaines, et surtout si tu sais apprécier à sa valeur cette indulgence. Oui, il faudrait te payer, mais je ne te paierai pas. Ma chaîne a été brisée par une main plus forte que la tienne. La Providence a écarté de mon chemin les obstacles à la prospérité de son serviteur indigne. Une main forte? La Providence? Quelles sont ses rengaines? Tu me parles en poète, à moi qui suis si prosaïque. Tu ne lis pas les journaux? Si, parbleu, mais je borne ma lecture aux articles de sport. C'est fâcheux, car tu aurais appris qu'un événement terrible s'est passé au petit village de... Voyons, mets les points sur les i. Ma pauvre sœur est morte? Comment est-elle morte? Et l'aventurier éprouvait une réelle douleur en interrogeant deux îles. Les journaux d'aujourd'hui, reprit le pasteur, dont la voix avait quelque chose de mécanique, celle d'un comédien récitant une leçon, donne les détails d'un assassinat commis sur une jeune femme à laquelle on aurait volé ses économies. Est-ce qu'on ne soupçonne personne? Si, un vieillard, un colporteur qui a quitté la maison quelques heures avant la découverte du meurtre. On ne sait rien de plus, rien. Mais on en saura bientôt davantage, s'écria Philippe avec rage. Le coupable n'échappera pas. Je ne suis pas dévot, mais je crois la main de Dieu qui punit les meurtriers. Philippe sanglotait comme un enfant. Les deux beaux-frères étaient près de la maison de la veuve. Deuxile se retourna et s'adressant à Mortimer. À présent, tout en déplorant le sort fatal de cette pauvre femme, il n'y a plus entre nous, monsieur Mortimer, aucun lien. Et je crois que nous pouvons nous dire adieu. Et tu vas te marier pendant qu'on loue le cercueil de ta femme? Je ne suis pas le maître de mes actions. Il y a là des occasions où il faut mettre à l'écart ses propres sentiments. Si tu ne me ruines pas, par tes démarches inconsidérées, je ne te laisserai pas manquer d'argent. De l'argent, je n'en veux pas de toi, aujourd'hui du moins, car je suis tombé si bas qu'un jour peut-être j'aurai recours à la bourse. Je souhaite que tes noces ne t'apportent que malheur et infortune, car je te maudis. Jouis de ta victoire, mais redoute que le fantôme de ta femme ne t'apparaisse dans sa désolation au moment où tu te rendras à la chapelle pour y recevoir la bénédiction nuptiale. Le ministre ne répondit pas, mais il ouvrit rapidement la porte de la maison qu'il referma aussitôt sur lui. Il craignait que Philippe ne fît quelque effort pour le suivre. Il n'en fut rien. L'aventurier s'éloigna. Voilà donc le commencement. Que doit être la fin? Pensa Deuxile en essuyant son front baigné de sueur froide.